إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن الله عز وجل خلق آدم بيديه وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين فاستحق الإبعاد من رحمة الله فكانت سنة الله في خلقه أن من أطاع ربه واتبع رسله فاز بالسعادة في الدارين ومن عصى واستكبر ولم يتبع المرسلين كان من الأشقياء الهالكين قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ودعا الأنبياء لكل مؤمن ومؤمنة بالمغفرة فقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأحب الله المؤمن وقربه إليه إن الله يحب المتقين وأيده ونصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهو سبحانه وتعالى مع المؤمنين بالتأييد والتثبيت إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وأنزل الله جنودا من السماء لنصرة المؤمنين قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين والله عز وجل يرمي سهمهم ويسدد نبلهم قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهو الله عز وجل هو الذي يكشف كرب المؤمنين ويهديهم في الشدائد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهو الله الذي ينتصر للمؤمنين على عدوهم قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري شيخ مسلمان مسلمان sachez qu'Allah عز وجل a créé Adam عليه السلام de ses mains et il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam devant pour montrer le respect qu'ils doivent avoir et pour montrer que c'est une créature qui a une particularité. Ainsi les anges se sont prosternés devant Adam alayhi salam, sauf Iblis qui s'est abstenu de le faire en s'enorgueillant. Il n'a donc pas fait partie de ceux qui se sont prosternés. Il a alors mérité l'éloignement de la miséricorde d'Allah azawajal. Et ainsi, et la loi d'Allah Azzawajal, que celui qui obéit à Allah et à ses envoyés connaîtra la félicité dans les deux mondes. Quant à celui qui désobéit à Allah et à ses envoyés, eh bien, il fera partie des malheureux dans les deux mondes. Allah Azzawajal dit, ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Et les prophètes d'Allah Azzawajal ont invoqué en faveur du croyant et de la croyante en demandant à Allah Azzawajal de leur pardonner. Et le but de ce discours est de montrer les mérites du croyant et les mérites du musulman. Nuh alayhi salam a dit « Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et à celui qui entre croyant dans ma demeure parmi les croyants et les croyantes ». Et Allah Azzawajal s'est adressé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Selon le sens et demande le pardon à tes péchés, de même demande le pardon des péchés des croyants et croyantes. Allah Azza wa Jal aime le croyant et le rapproche de lui. Et il dit Azza wa Jal, Allah aime les pieux. Allah Azza wa Jal soutient et donne victoire aux croyants. Il dit subhanahu wa ta'ala, et c'était notre devoir, et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah Azza wa Jal est avec les croyants, il les aide et raffermit leurs pas. Il dit subhanahu wa ta'ala, et lorsque ton Seigneur a révélé aux anges que je suis avec vous, que je suis avec vous, je vais vous aider, je suis avec vous, et raffermissez ceux qui ont cru. Allah Azza wa Jal a descendu une armée, a envoyé une armée d'anges afin de venir au secours des croyants. Il dit Azza wa Jal, et lorsque vous demandiez le secours de votre Seigneur et qu'il a répondu à votre appel, il dit Azza wa Jal selon le sens, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns après les autres. Allah Azza wa Jal est celui qui sauve le croyant des situations difficiles et extrêmes. Il dit Azza wa Jal, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Allah Azza wa Jal accorde la victoire aux croyants face à ses ennemis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal a dit, celui qui porte atteinte à l'un de mes alliés, je lui déclare alors la guerre. رواه البخاري. وجعل الله للمؤمنين المودة والمحبة والقبول في قلوب العباد. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويثبت أقدامهم ويسدد أقوالهم ويربط على قلوبهم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يتولى حفظ ذرية المسلم ونسله ولو بعد قرون ببركة عمله الصالح. قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وقد وعده الله أي وعد الله المؤمن بالحياة الطيبة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجعل سبحانه وتعالى أعمال المسلم في حياته وبعد مماته مباركة. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة. الله عز وجل aime les croyants et fait en sorte que les croyants soient aimés des gens. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru et qui accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Allah Azza wa Jal raffermit les pas du musulman et du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit leurs paroles et Allah Azza wa Jal réunit entre leurs cœurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah raffermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. De même qu'Allah Azza wa Jal se charge de protéger la progéniture du musulman et se charge de protéger sa descendance même après plusieurs siècles, et ceci de par la bénédiction qu'il y a dans les adorations qu'a accompli ce croyant. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Kahf, quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait en dessous, c'est-à-dire en dessous de ce mur, un trésor à eux et leur père. Et leur père était un homme vertueux. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que ces deux garçons atteignent l'âge de la puberté et qu'ensuite ils puissent ressortir le trésor de leur Père, ceci de par une miséricorde de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait que leur Père était vertueux, Allah Azza wa Jal a par cela protégé sa progéniture et fait en sorte que personne n'ait eu connaissance et n'ait eu accès à ce trésor jusqu'à ce que ces deux ayants droit puissent l'en extraire eux-mêmes. Allah Azza wa Jal promet la bonne vie heureuse aux croyants. Celui qui accomplit des actes vertueux parmi les hommes ou les femmes tout en étant croyant, alors nous lui accorderons une bonne vie. Allah Azza wa Jal fait en sorte que les actes du croyant soient bénis de son vivant comme après sa mort. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman qui plante une plantation ou qui sème une culture sans et qu'en mange des êtres humains ou une bête ou autre chose sans qu'il n'ait pour tout cela une aumône, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure, rapporté par Muslim. والقرب من المؤمن خير وزيارته من أجل العبادات قال عليه الصلاة والسلام إذا زار المسلم أخاه في الله أو عاده قال عز وجل طبت وتبوأت من الجنة منزلا وبياض لحيته أي لحية المؤمن وبياض لحيته ورأسه ضياء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال عليه الصلاة والسلام إنه نور المسلم رواه الترمذي وجميع أحواله وتقلباته في الدنيا من الأحزان والأفراح خير له قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وأعماله الصالحة مضاعفة ومصائبه مكفرة لسيئاته قال عليه الصلاة والسلام ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنها حتى الشوكة يشاكها متفق عليه ومرض المؤمن ذخر له عند ربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة وعيناه فادية له من النار إن فقدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه أي عينيه فصبر أي على فقد بصره واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة رواه الترمذي وجسد المؤمن طاهر حيا وميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن المسلم لا ينجس ولا يغسل أحد من ذرية آدم بعد وفاته سوى المسلم ومن اتبع جنازته وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيرتين وكسر عظمه بعد موته ككسره وهو حي. Le fait de se rapprocher des croyants est un bien. Le fait de les visiter fait partie des adorations les plus méritoires. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un musulman rend visite à son frère en Allah, Allah Azza wa Jal dit, ta situation est bonne et tu as une haute place au paradis pour ce que tu as accompli. De même que les cheveux blancs du musulman, que ce soit les cheveux blancs de ses, que ce soit ses cheveux blancs ou les poils blancs de sa barbe, eh bien cela est une lumière pour lui. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans d'enlever et d'arracher ses poils blancs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la lumière du musulman. L'ensemble des situations du musulman, dans cette vie d'ici-bas, à travers tristesse et joie, toutes ces situations sont un bien pour lui. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est étonnant le cas du croyant. Toutes ces situations sont meilleures pour lui, et ceci n'est accordé qu'au croyant. Lorsque une bonne nouvelle lui parvient, cela le rend heureux, et il est reconnaissant envers son Seigneur, et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'il est touché par un mal, il patiente, et cela est meilleur pour lui, rapporté par Muslim. Et les actes vertueux du croyant sont décuplés, de même que les catastrophes qui le touchent sont pour lui des expiations. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un mal qui touche un musulman sans qu'Allah azza wa jal ne lui efface des péchés par ce mal qu'il a subi, même une épine qui le pique. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La maladie du croyant est pour lui une énorme provision auprès de son Seigneur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la maladie du musulman, à travers celle-ci, Allah efface ses péchés comme le feu nettoie les salissures et les souillures de l'or et de l'argent. Le fait de perdre ses yeux est pour le croyant un moyen qui le préservera de l'enfer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a dit, celui à qui j'enlève ses bien-aimés, c'est-à-dire ses deux yeux, patiente dans cela et espère la récompense d'Allah azza wa jal, par cela, je n'accepterai et je n'agréerai pour lui de récompense que le paradis. Et le corps du croyant est pur, qu'il soit vivant ou mort. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est jamais impur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن جماع الشر في احتقار المسلم وازدرائه قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولحرمة المسلم عند الله عز وجل أمر أن تكون نفس المؤمن مطمئنة في الحياة فلا تراع ولا تؤذى بل كل أمر يخشى أن يناله أذى منه نهى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسكه أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء رواه البخاري ومسلم والملائكة تلعن من أشار على مسلم بحديدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل فعل يحزن المؤمن فقال عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه رواه البخاري ومسلم وإن وقعت منه أفوه فالستر عليه ستر يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وإذا تكالبت عليه النوائب فأزيلت عنه كربة إن فرجت على من أعانه كربة يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وأذية المسلم باللسان محرمة قال عليه الصلاة والسلام قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولعنه كقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. ومن قذفه بغير بينة جلد 80 جلدة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le mal est réuni dans celui qui dénigre un musulman. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit pour une personne de commettre un mal de dénigrer son frère musulman. Et parce que le musulman est sacré auprès d'Allah, Allah azza wa jalla a ordonné que l'âme du musulman et du croyant soit toujours en paix. Ainsi, on ne doit pas l'effrayer, on ne doit pas lui porter atteinte. Bien plus encore, toute chose dont l'on redouterait qu'elle fasse peur à un musulman, Allah Azza wa Jalla l'interdit. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, celui qui traverse une de nos mosquées ou un de nos marchés et qu'il a avec lui une flèche, qu'il la tienne fermement, ou alors qu'il la prenne par la pointe, de peur de toucher un musulman. Et les anges maudissent celui qui, avec un objet tranchant, fait signe vers un musulman. Les anges maudissent celui qui fait signe vers un musulman avec un objet tranchant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dirige vers son frère un objet tranchant, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il arrête. Même si c'est son frère, le fils de son père ou de sa mère, rapporté par un musulman dans son sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire tout ce qui pourrait rendre triste un musulman. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous êtes trois, que deux ne parlent pas secrètement sans s'adresser au troisième, de peur que cela le rende triste. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsque le musulman commet une erreur, alors de cacher cette erreur, s'il la commet en privé, est la meilleure chose à faire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui cache le défaut de son frère, Allah azza wa jal cachera les siens le jour du jugement. Et lorsque les soucis et les problèmes se déversent sur le musulman et qu'une personne vient l'épargner et le soulager de ses problèmes, eh bien, Allah Azza wa Jal soulagera les problèmes de celui qui lui sera venu en aide. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui aide son frère musulman, Allah Azza wa Jal l'aidera le jour du jugement. De porter atteinte aux musulmans par la langue est interdit. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, de tuer un musulman et de la mécréance, et de l'insulter et de la perversité. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maudit un croyant revient à l'avoir tué. Et celui qui ment et qui accuse d'adultère ou de fornication un musulman sans en apporter la preuve formelle, eh bien Allah azza wa jal nous ordonne de fouetter cette personne de 80 coups de fouet. Wa malul muslim musanun la yuslabu wa la yunhabu wa la yurtasab. Qala alayhi salatu wa salam, kullul muslimi ala al muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Wa man halafa yaminan bighayri haqq liya'khudha mal akhihi akabbahu Allahu fi an-nar. قال عليه الصلاة والسلام ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي بحلفه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان الذي أخذه منه شيئا يسيرا فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك أي وإن كان عودا يسيرا. رواه مسلم. ومال المسلم محترم بعد مماته، فلا يحل ماله لأحد إلا لورثته ممن كان على الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les biens du musulman sont sacrés et protégés. Ainsi, on ne peut prendre les biens d'un musulman, de même qu'on ne peut les usurper. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans sont sacrés les uns des autres, leur sang, leurs biens et leur honneur. Rapporté par Muslim. Et celui qui jure, en mentant pour prendre les biens de son frère musulman, Allah Azza wa Jal le jettera en enfer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'approprie le bien de son frère musulman en jurant, c'est-à-dire en jurant dans le mensonge, eh bien, l'enfer sera sa destinée. Et Allah Azza wa Jal lui interdira l'entrée au paradis. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, même si c'est quelque chose d'insignifiant, c'est-à-dire ô envoyé d'Allah, même si cette chose que cet homme a pris à son frère musulman en jurant, en mentant, en faisant un juron mensonger, même si cela est insignifiant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si cela est une branche d'arak, qui est le bois utilisé notamment pour se curer les dents avec le siwak. De même que les biens du croyant sont sacrés même après sa mort, ainsi les biens du musulman après sa mort ne sont licites qu'à ses héritiers lorsqu'ils sont musulmans. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yarithu al-muslim al-kafir wa la al-kafir al-muslim, que le musulman n'hérite pas d'un mécréant, de même que le mécréant n'hérite pas du musulman. Wa amma dima'u al-muslimin fa sha'nuha 'inda Allah 'azim hiya awwalu ma yafsilu fiha fi al-khusumat. هي أول ما يفصل فيها في الخصومات لعظيم أمرها وكثير خطرها. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ودم المسلم أعز الدماء عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. والتعدي على النفس المسلمة الواحدة تعد على الخلق كلهم. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وسفك دم المسلم موجب لغضب الله ولعنته. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le sang du musulman est sacré auprès d'Allah Azza wa Jal, et que la première chose sur laquelle seront jugées les personnes qui sont en désaccord seront sur le prix du sang, car ceci est extrêmement grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose que l'on jugera entre les gens le jour du jugement sera sur le sang. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sang du musulman est le plus aimé et le plus cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la disparition de cette vie d'ici-bas, est moindre auprès d'Allah que de tuer un homme musulman. La disparition de cette vie d'ici-bas est moindre et moins grave chez Allah que de tuer un homme musulman. Le fait de porter atteinte à une seule âme musulmane revient à porter atteinte à l'ensemble des musulmans. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et celui qui tue une âme sans raison valable ou par discorde et par désordre sur terre, cela revient à avoir tué l'ensemble des gens. Le fait d'écouler le sang, le fait de faire couler le sang du musulman, oblige la colère d'Allah ainsi que sa malédiction. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et celui qui tue un croyant volontairement, sa rétribution sera le feu de l'enfer, dans lequel il restera éternellement. Allah sera courroucé contre lui et il le maudira et lui préparera un châtiment immense. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين